إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 30, dans l'explication de Al-Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son livre qui s'intitule Al-Ta'liqat al-Tawdihiyya ala Muqaddimat al-Fatwa al-Hamawiyya. Et donc on explique, donc on continue l'explication de ce qui a rapport avec les trois catégories des groupes qui ont dévié par rapport aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont quitté la voie des salaf al-salih. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, il les a divisés en trois groupes: Ahlul Takhyil et Ahlul Ta'wil et Ahlul Tajhil. Al-Takhyil, on l'a expliqué au dernier cours, il y en a les gens qui prétendent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a inventé des choses qui ne sont pas vraies, et il a imaginé des choses, et c'est ça ce qu'il a fait croire aux gens, alors qu'il savait que ce n'était pas vrai, ou il ne croyait pas réellement à ces choses-là. Donc ça, c'est Ahlul Takhyil. Ensuite, Ahlul Ta'wil, et on a expliqué que ce sont les gens qui prétendent que les attributs n'ont pas le sens qu'ils ont en apparence, mais qu'ils ont un autre sens, une autre signification qui est cachée, qu'on doit essayer de découvrir par notre intellect ou par notre raison ou par notre logique, hein, et que c'est ça, selon eux, la signification des noms et des attributs, hein. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé ces termes-là, mais en réalité il ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'ils signifiaient. Il fallait donc leur donner une autre signification. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la raison pourquoi il ne leur a pas dit la vraie signification ou les vraies choses, c'est pour les forcer justement à faire des efforts pour essayer d'utiliser leur raison et leur logique pour inventer d'autres significations à ces noms et à ces attributs-là. Ahlul Ta'wil. Et c'est ces gens-là qu'on est en train de réfuter. Et Cheikh al-Islam, il a dit que c'est pour eux qu'il a écrit ce livre. C'est pour eux qu'il a écrit cette fatwa, les gens du Ta'wil. Donc le Cheikh, il l'explique, il dit à la fin de ce qu'on avait lu la dernière fois: وهم في الحقيقة لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص الميعاد أو نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان وقد علمنا الشبه المانع منه وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. Donc le Cheikh, il explique maintenant, Cheikh Al-Fawzan, on va lire qu'est-ce que ça signifie cette parole. Il dit que les philosophes, ils ont ramené comme argument contre les gens du Ta'wil les textes qui ont rapport avec la résurrection. les textes en rapport avec la foi en la résurrection. Et ils ont ramené comme argument les mêmes shubuhat, mais à propos des textes de la résurrection. Donc ils ont répondu aux ta'wilat des muta'awilin, des gens qui font le ta'wil, qui déforment le sens des attributs d'Allah. Ils leur ont répondu au sujet de leur shubuhat par rapport aux noms et aux attributs, avec les mêmes choses, mais au sujet de la foi en la résurrection. Donc ils ont dit, nous on sait de façon certaine que les messagers ont ramené les révélations qui mentionnent que les corps seront ressuscités. Parce que les philosophes nient la résurrection des corps. Donc ils disent, nous on sait que dans la révélation, les prophètes ont parlé de la résurrection des corps. Puis ils ramènent des shubuhat pour essayer de le renier. Donc ils répondent à ceux qui font le ta'wil des noms et des attributs d'Allah par les mêmes shubuhat. Cheikh Al-Fawzan il dit: لما ردوا على الباطنية الذين أنكروا البعث والنشور قالوا ليست نصوص البعث والنشور على ظاهرها وليس هناك بعث ولا هناك جنة ونار وإنما هذه أمور تخيلها الرسول من أجل مصالح الناس. قالت لهم الباطنية: نحن أولنا وأنتم أولتم، نحن أولنا البعث والنشور وأنتم أولتم الأسماء والصفات، والأسماء والصفات في كتاب الله أكثر من ذكر البعث، فلماذا يكون تأويلكم سائغا وتأويلنا باطلا؟ فلماذا تردون علينا وأنتم أشد منا ضلالا؟ نعم. Donc le Cheikh Al-Fawzan il résume l'argumentation qui existe entre les gens de la Batiniya, parmi les philosophes, ceux qui se réfèrent aux philosophes, et les gens de Ta'wil qui déforment le sens des attributs. Donc il dit, les gens de Ta'wil ont répondu aux Batiniya, aux gens qui nient la résurrection et que les corps vont être ressuscités au jour de la résurrection, après la mort, ils ont dit, les Batiniyoun ont dit, les textes qui parlent de la résurrection et du jour de la résurrection et qu'on va être ressuscité et rassemblé ne sont pas dans leur sens apparent. Pour eux, il n'y a pas de résurrection réelle. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer pour eux. C'est seulement des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon eux, il a inventé ces choses-là dans le but, pour l'intérêt des gens, pour le bien des gens. Il leur a raconté ces choses-là, et il leur a inventé ces choses-là, mais pour eux, c'était pas vrai. Et les gens de Ta'wil, les Batiniyah ont dit aux gens de Ta'wil, donc nous, on a fait le Ta'wil des textes qui parlent de la résurrection et du paradis et de l'enfer. On a fait le Ta'wil de ces choses-là, de la même manière que vous aussi avez fait le Ta'wil des noms et des attributs. Nous avons fait le Ta'wil, nous avons changé le sens ou déformé le sens réel de la résurrection du fait qu'on va être rassemblés au jour de la résurrection à la fin des temps. Et vous avez fait le ta'wil des noms et des attributs d'Allah. Tandis que les versets qui parlent des noms et des attributs d'Allah dans le livre d'Allah sont plus nombreux que les textes qui parlent de la résurrection. Il y a plus de versets sur les noms et les attributs que sur la résurrection. Parce que dans chaque verset dans le Coran, lorsque tu lis, à la fin de presque chaque sourate, chaque verset, chaque ayah, tu vois à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallahu azizun hakim, Wallahu ghafurur rahim. C'est presque dans tous les versets, dans la plupart des versets, à la fin, il y a un nom ou bien un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionné dedans. Donc, de faire le ta'wil, comme il dit, donc vous avez fait le ta'wil des noms et des attributs d'Allah, alors qu'il y a plus de versets dans le Coran au sujet des noms et des attributs d'Allah que de versets au sujet de la résurrection. Et donc, les gens des Batiniyoun et des philosophes, ils disent aux gens de Kalam et aux Muta'wiloun, ils disent, donc si c'est permis pour vous de faire le ta'wil des noms et des attributs d'Allah, alors comment ça se fait d'abord que notre ta'wil à nous ne serait pas accepté et votre ta'wil à vous serait accepté, alors qu'il est plus grave encore que le nôtre. puisque votre ta'wil des noms et des attributs d'Allah, eh bien, il est encore plus présent, puisqu'il y a plus de versets sur les noms et les attributs d'Allah que sur la résurrection. Donc c'est comme s'il leur disait, si vous, vous avez le droit de le faire, donc nous aussi on a le droit de le faire. Donc pourquoi votre ta'wil à vous serait correct et le nôtre ne serait pas correct ou serait faux, hein? Donc qu'est-ce que vous allez, pourquoi vous nous réfutez d'avoir fait le ta'wil de la résurrection alors que vous, vous êtes encore plus dans l'égarement que nous dans votre ta'wil que vous avez fait. Donc ça c'est l'argumentation qui est, le débat qu'il y a entre les gens, de, les philosophes et les batiniyoun et les gens de ta'wil parmi les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya et ceux qui suivent cette voie-là. Ensuite, ils ont dit nahnu na'lamu bil ittirar anna ar-rusul ja'at bima 'ada al-abdan wa qad 'alimna ash-shubah al-mani'a minhu. Donc qalu lahum ay qalat al-batiniyya lil mu'tazila ar-rusul جاءوا بإثبات البعث وجاءوا أيضا بإثبات الأسماء والصفات وأنتم أولتم الأسماء والصفات ونحن أولنا أدلة البعث لشبه مانعة من إثباته كما أولتم أنتم الأسماء والصفات لشبه مانعة من إثباتها. Donc c'est ça, les Mu'tazilis, les Batiniyoun ont dit aux Mu'tazila, les messagers sont venus avec la foi en la résurrection, la résurrection des corps et le fait qu'on va être ressuscité. Et ils ont également ramené la foi en l'affirmation des noms et des attributs d'Allah et qu'il faut les croire en ses attributs et en ses noms et il faut les affirmer. Et vous, donc les Batiniyoun disent aux Mu'tazila et à ceux qui nient les attributs et qui déforment le sens des attributs, comme les Asha'ira et les autres, vous, vous avez fait le ta'wil des noms et des attributs. Et nous, on a fait le ta'wil des preuves de la résurrection en se basant sur des shubuhat qui nous empêchent de les affirmer tels qu'ils sont. De la même manière que vous, vous avez fait le ta'wil des noms et des attributs en vous basant sur des shubuhat ou des choses que vous prétendez être empêchantes de les affirmer. Hein, des choses que vous prétendez qu'elles empêchent qu'on les affirme. Donc il dit « Wa ahlu sunnah yaquluna li ha'ula » نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. C'est-à-dire les gens de la Sunna disent à ceux-là, on sait très bien et on sait par nécessité que les messagers ont ramené la foi en l'affirmation des attributs et les textes au sujet des attributs dans les livres révélés, dans les livres divins, sont plus nombreux et plus grands que les textes au sujet de la résurrection. Donc Cheikh Al-Fawzan, il commente à ce sujet-là, puis il dit « Ay, qala ahlu sunnati lil mu'tazila, idha kana al-ba'th wal-nushur haqqan, wa antum tarudduna ala al-falasifati qawlahum bi anna al-ba'th wal-nushur laysa bihaqiqa, wa in kana ja'a fi al-Qur'an dhikruhu, فلماذا أنتم تؤولون الأسماء والصفات وتقولون إنها ليست بحقيقة وتقولون مذهبهم باطل ومذهبكم صحيح فأهل السنة والجماعة ردوا على الطائفتين على أهل التخييل وأهل التأويل وقالوا كلاكما ضال عن الحق لأنكم لا تستدلون بكلام الله وكلام رسوله وإنما تستدلون بأشياء وضعتموها من عندكم وقوانين قننتموها وكلاكما قوله باطل. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit que les gens de la Sunna répondent aux Mu'tazila et ils disent aux Mu'tazila, si les textes de la si la résurrection et le rassemblement au jugement dernier c'est quelque chose qui est réel et qui est vrai, et que vous, vous réfutez les philosophes lorsqu'ils disent que la résurrection et le rassemblement au jour dernier, que ce ne sont pas des choses réelles. Vous les réfutez là-dessus. Vous n'êtes pas d'accord avec eux là-dessus. Hein, vous dites que ce sont des choses réelles. Même si c'est des choses qui sont mentionnées dans le Coran, eux, ils le nient. hein, il défend ces choses-là, il refuse de l'affirmer. Alors, dans ce cas-là, pourquoi vous aussi, vous faites la même chose avec les noms et les attributs d'Allah? Vous déformez le sens réel des noms et des attributs d'Allah et vous dites qu'elles ne sont pas réelles. Hein? Et vous dites aux Batiniyoun et aux philosophes, vous dites « votre voix est fausse ». Et vous dites, vous prétendez que le vôtre est vrai, est correct. Alors les gens de la Sunna, eux, ils répondent aux deux groupes. Ils répondent aux Batiniyoun et ils répondent aux Mu'tazila ensemble. Et ils disent aux deux, les gens de la Sunna ont dit aux deux groupes, hein, aux gens du Tahyil et aux gens du Ta'wil, on dit à ces deux groupes-là, vous êtes tous les deux égarés de la vérité. Parce que tous les deux, vous essayez de vous ramener comme argument la parole d'Allah et la parole de son messager, hein? C'est-à-dire, tous les deux, vous ne vous basez pas sur la parole d'Allah et la parole de son messager. Vous amenez des arguments que vous avez inventés vous-même et des règles et des principes que vous avez établis vous-même. Et vos deux paroles sont fausses. Vos deux paroles sont fausses. Il dit « وَالصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ » Et la vérité, c'est la position sur laquelle se tiennent les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. فَإِذَا فَسَدَ مَذْهَبُ الْفَلَاسِفَةِ فِي تَأْوِيلِ الْبَعْثِ فَسَدَ مَذْهَبُ الْمُؤَوِّلَةِ فِي الْأَسْمَاء وَالصِّفَاتِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Donc le cheikh, il dit la position correcte, cheikh al-Fawzan, il dit la position qui est correcte, c'est ce sur quoi se tiennent les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Donc si on a démontré, on a clarifié que la voix des philosophes qui déforme le sens de la résurrection, c'est quelque chose qui est faux et qui est corrompu, eh bien, on voit en même temps que c'est la preuve en même temps que la voix des gens qui font le ta'wil des noms et des attributs est encore plus faux également. Et le cheikh dit « وَالنُّصُوصُ الصِّفَاتِ فِي الْكُتُبِ الْإِلَهِيَةِ يعني التوراة والإنجيل والقرآن والكتب المنزلة أكثر من ذكر البعث والجنة والنار ولماذا تغلظون على أهل التخييل في نفي المعاد وأنتم ترتكبون ما هو أشد منه وأكثر منه ذكرا في القرآن وفي الكتب وهو الأسماء والصفات. Donc le cheikh il dit les textes des attributs dans les livres divins, c'est-à-dire la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran et dans les livres révélés par Allah. Ils sont, les textes au sujet des noms et des attributs sont plus nombreux que les versets au sujet de la résurrection et du paradis et de l'enfer. Donc, pourquoi dans ce cas-là, vous blâmez et vous réprimandez les gens du Tahyil qui nient la résurrection, alors que vous avez commis quelque chose de plus grave encore et qui est encore plus mentionné dans le Coran que les textes de la résurrection, c'est-à-dire les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, donc c'est comme pour leur dire, hein, ce que vous dites, qu'est-ce que vous dites, c'est encore pire que qu'est-ce que disent les philosophes et les gens du Tahyil et les Batiniyoun qui nient la résurrection. Naam. Donc ça c'est un exemple comment Ibn Taymiyyah réfute ces sectes et ces gens d'égarement en utilisant leurs arguments. Les arguments qu'ils utilisent les uns contre les autres. Hein? Et il dit le cheikh ensuite, وَيَقُولُونَ لَهُمْ مَعْلُومٌ أَنَّ مُشْرِكِ الْعَرَبِ وَغَيْرَهُمْ كَانُوا يُنْكِرُونَ الْمَعَادِ وَقَدْ أَنْكَرُوهُ عَلَى الرَّسُولِ وَنَظَرُوهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الصِّفَاتِ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ شَيْئًا مِنْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ. Donc, le cheikh, il dit, et ils leur disent, il est connu que les mouchriquines, les arabes parmi les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres également, niaient la résurrection. Et ils l'ont nié. Hein, ils ont critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et renier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit au sujet de la résurrection, et ils ont même argumenté et débattu avec lui au sujet de la résurrection, contrairement aux attributs, hein, parce qu'aucun d'entre les arabes n'a nié quoi que ce soit des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à la résurrection. Donc Cheikh Al-Fawzan, il commente à ce sujet-là. Il dit: wa hadha wajhun akhar fi ar-radd 'ala al-mu'awwila lis-sifat wa huwa an al-'arab fi al-jahiliyya kanu yunkirun al-ba'th wa yaqulun أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون لكن الأسماء والصفات لا ينكرونها واليهود لا ينكرون الأسماء والصفات ولهذا جاء الحبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يجد في التوراة أن الله يقبض السماوات والسماوات في بيد والأرض بيد وضحك النبي صلى الله عليه وسلم لقول الحبر تصديقا له وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فما في القرآن صدق ما في التوراة فاليهود لا ينكرون الأسماء والصفات والعرب في الجاهلية لا ينكرون الأسماء والصفات وأنتم تنكرون الأسماء والصفات فأنتم إذن أضل من اليهود ومن جاهلية العرب في هذا الباب. دونك شيخ الفوزان يلزي. Donc ça c'est une autre façon, un autre point de vue par lequel on peut réfuter les gens qui font le ta'wil. C'est-à-dire que on leur explique que les Arabes de la Jahiliya, ils ne niaient pas al-ba'ath. Ils niaient al-ba'ath, hein, ils refusaient de croire en la résurrection des corps. Et ils disaient: est-ce que lorsqu'on va être mort et qu'on deviendra de la poussière et des os, est-ce qu'on va être ressuscité de même que nos anciens, hein, nos parents, nos premiers parents, ils vont eux aussi être ressuscités? C'est comme s'ils niaient que cela était possible. Mais les noms et les attributs, par contre, ils ne les niaient pas. Hein, ils affirmaient les noms et les attributs. De même que les juifs, hein, ils ne niaient pas les noms et les attributs. Et c'est pour ça que même il y a un rabbin parmi les rabbins des juifs est venu voir le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et on lui a mentionné, hein, le rabbin a mentionné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a trouvé dans la Torah à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection il va prendre les cieux dans une main et la terre dans l'autre main. Hein? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri lorsqu'il a entendu ça et il a ri pour confirmer ce que le rabbin a raconté et pour montrer qu'il était d'accord avec lui et qu'il croyait en ce que le rabbin avait dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset justement dans sourate Az-Zumar pour confirmer cette parole. Hein, pour confirmer cette parole, c'est le verset 67 dans sourate Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste mesure, hein, et il fera de la terre entière une poignée au jour de la résurrection, et il va plier les cieux dans sa main droite. Hein, il va plier les cieux dans sa main droite. Donc, on voit que ce qui est mentionné dans le Coran confirme ce qui est dit dans la Torah. Et que les juifs ne nient pas les noms et les attributs d'Allah. Et il dit que les Arabes dans la Jahiliya, eux aussi ne niaient pas les noms et les attributs d'Allah. Alors que vous, c'est-à-dire les gens du Ta'wil, les Mu'tazila, les Asha'ira, et ainsi de suite, vous niez les noms et les attributs d'Allah. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes plus égarés que les Juifs et que les Arabes de la Jahiliya dans ce domaine ou dans cette question qui a rapport avec les noms et les attributs. Donc ça, c'est une autre façon comment on peut réfuter les gens de Ta'wil avec cet exemple-là. Après, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. نعم. Donc le cheikh il explique ici, il dit, donc on sait que l'affirmation par la raison des attributs est encore plus grande que l'affirmation de la résurrection. Cheikh Al-Fawzan il dit ici, إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالبعث فهذا يدل على بطلان قول منكر الصفات من ناحية العقل. Donc il dit, la raison est encore plus forte et plus grande dans son affirmation des attributs que dans son affirmation de la résurrection. Il dit, wa inkar al-ma'ad a'zamu min inkar as-sifat. Il dit, et de nier la résurrection est plus grave que, est plus grand encore que de nier les attributs. Il dit, hada indahum. Hada indahum. Et selon eux, de nier la résurrection, c'est plus grave que de nier les attributs. Et selon les gens de Ta'wil, selon les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyah, de nier la résurrection, c'est plus grave que de nier les attributs. Donc, il dit, ma'a anna al-aksu wa sahih, alors que la vérité, c'est le contraire. Que de nier les attributs, c'est plus grave que de nier la résurrection. Il dit, wa huwa inkar sifat a'zamu min inkar al-ba's. Il dit, wa kayfa yajuzu ma'a hadha an yakuna ma akhbara bihi min as-sifat laysa kama akhbara bihi. Donc comment on peut dire dans ce cas-là que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos des attributs, ce n'est pas tel que il nous en a informé, ça correspond pas à ce qu'il nous a dit. C'est pas la réalité, et ce qu'il a dit à propos de la résurrection, c'est tel qu'il nous l'a dit et tel qu'on en a été informé. Donc c'est pour montrer leur contradiction que le cheikh est en train d'expliquer ça. Cheikh Al-Fawzan il dit, هذا إلزام لهم بأن يقال أنتم تقولون أيها المعتزلة إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من البعث على حقيقته فيقال لهم لماذا لا تكون الأسماء والصفات على حقيقتها مع أن نصوصها في القرآن أكثر من نصوص البعث. Donc il dit, donc ça c'est pour les amener à dire et à accepter et à confirmer et à leur dire, vous dites, ô vous les Mu'tazila, que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager, a dit à propos de la résurrection, c'est tel qu'il l'a dit, c'est dans sa réalité, que c'est la réalité de ce qu'il a dit à propos de la résurrection. On le prend dans son sens réel. Donc, on leur dit dans ce cas-là, pourquoi donc, on ne dit pas que les noms et les attributs sont dans leur sens réel aussi, alors que les textes des noms et des attributs dans le Coran sont encore plus nombreux que les textes au sujet de la résurrection. Et le cheikh, il dit ensuite, وَأَيْضًا فَعُلِمَ أَنَّهُ قَدْ ذَمَّ أَهْلَ الْكِتَابِ على ما حرفوه وبدلوه ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك. Le Cheikh il dit, Cheikh l'Islam, il dit, et également, on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé les gens du livre, les juifs et les chrétiens, à cause de ce qu'ils ont falsifié et changé dans leur livre. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans les versets dans le Coran au sujet des juifs et des chrétiens, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Dans le verset 59, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont été injustes ont changé la parole qui leur avait été dite, Et donc, nous avons fait tomber sur ceux qui ont commis de l'injustice une ignominie des cieux, hein, une humiliation qui est tombée sur eux des cieux à cause de ce qu'ils faisaient comme perversité. Donc ça fait partie des versets qui montrent leur falsification, comment ils ont changé leur livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet aussi dans le Coran, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ, hein, ils déforment la parole de son sens, hein, de son contexte. Donc, on sait très bien donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a blâmé les gens du livre pour ça, et Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne même dans le Coran. Et il dit ensuite, وَمَعْلُومٌ أَنَا التَّوْرَ مَمْلُوَا مِنْ ذِكْرِ الصِّفَاتِ. C'est la Torah, elle est remplie de mentions des noms et des attributs d'Allah. Hein? Donc, si ça faisait partie de ce qui a été déformé, eh bien, il dit فَلَوْ كَانَ هَذَا مِمَّا حُرِّفَ وَبُدِّلَ لَكَانَ إِنْكَرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَوْلَى. Donc, si ça faisait partie, c'est-à-dire si les noms et les attributs qui sont mentionnés dans la Torah faisaient partie de ce qui a été changé ou falsifié dans leur livre, eh bien, de condamner cela, ça aurait été encore plus important. Hein? Et il dit, le Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, il dit, Wallahu Azza wa Jal, Ankara ala al-Yahoud, Tahrif al-Tawra wal-Injil, wa lam yunkir alayhim ithbat al-asma al-sifat, li'annahum lam yuharrifuha, wa innama harrafu ghayraha. Donc, le Cheikh explique, il dit, que Allah subhanahu wa ta'ala a condamné les Juifs et les chrétiens pour ce qu'ils ont falsifié de la Torah et de l'Évangile. Mais il ne leur a pas condamné l'affirmation des noms et des attributs dans leur livre, parce que ça n'a pas été falsifié. Ils ont uniquement falsifié autre chose que ça, que les noms et les attributs. Donc, le Cheikh, il dit, فَكَيْفَ كَانُوا. Donc, comment on peut dire dans ce cas-là que, il explique, quand on mentionnait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam les attributs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yani souriait et riait yani par étonnement et par confirmation de ce que les juifs yani et les gens du livre racontaient devant lui par rapport aux noms et aux attributs. Quand il les entendait parler d'Allah et mentionner les noms et les attributs d'Allah, yani il était étonné et il souriait pour confirmer ce qu'il disait, comme l'exemple du rabbin qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et on a vu l'exemple de ce hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est rapporté par Al-Bukhari, qui fait partie des hadiths d'Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud. Hein? Il dit, Al-Hibr min al-Yahoud, alladhi ja'a ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fadhakara anna Allah yamsiku al-samawat ala isbi' wal-aradin ala isbi' wal-jiba' ala isbi' على إصبع إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له فقرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. Donc c'est le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure du rabbin juif qui est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم et il a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala va tenir les cieux sur un doigt et les terres sur un doigt et les montagnes sur un doigt jusqu'à la fin du hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri quand il a entendu ça pour confirmer ce qu'il avait dit et pour confirmer qu'il croyait en cette parole-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 67 dans sourate Az-Zumar, hein, pour confirmer yani justement ça. Et ça c'est rapporté dans Al-Bukhari, hadith de Al-Bukhari rapporté selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit, ولم يعبهم قط. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas du tout blâmés et n'a pas blâmé le rabbin d'avoir dit ce genre de paroles et d'avoir affirmé des doigts et une main à Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que font yani les gens qui nient les attributs aujourd'hui lorsqu'ils rencontrent les gens d'Ahl-Sunnah. lorsque les gens qui nient les attributs parmi les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya et les Ahbash, lorsqu'ils rencontrent un musulman de Ahl Sunnah qui affirme les attributs d'Allah, eh bien ils accusent ce musulman de Ahl Sunnah de faire partie des gens du Tajsim et du Tashbih. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a rencontré le rabbin juif et que le rabbin lui a dit ces choses-là à propos d'Allah, hein, qu'il a mentionné Allah en ayant des doigts et une main, hein, et qu'il tenait sur un doigt les cieux et sur l'autre doigt les terres et sur un autre doigt les montagnes, et qu'à la fin du hadith il les met toutes dans sa main, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé ça et il riait avec le rabbin, il était d'accord avec lui, et Allah a confirmé ça dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit au rabbin, toi tu es un mujassim, ou toi tu es un mushabbih, ou tu fais le tashbih, hein, ou tu es un anthropomorphiste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça au rabbin. Au contraire, il a affirmé et confirmé ce que le rabbin a dit à propos d'Allah. Et donc ça c'est une réfutation contre les gens qui nient et qui déforment le sens des noms et des attributs d'Allah. Cheikh Al-Fawzan il dit: "Wa Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam lam ya'ib al-yahud fi ithbat fi ithbatihim al-asma wa as-sifat mithla ma ta'ib al-jahmiyya wa al-mu'tazila ahl as-sunnah fi ithbat al-asma wa as-sifat wa lam yaqul lil-yahud antum mujassima tasifuna Allah bi anna lahu yaminan wa yaqbidu biha as-samawat wal-ard wal-ard jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah." ولم يقل انتم مجسمه فدل على انها حق. C'est ça, comme je disais tout à l'heure. Et le cheikh Al-Fawzan il résume, il a clarifié cette chose là il dit, yani le juif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé le juif d'avoir affirmé les noms et les attributs de la manière que les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya et les Ahbash et tous ces différentes sectes, comment eux blâment aujourd'hui les gens d'Ahl Sunnah d'affirmer les noms et les attributs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit aux juifs, vous êtes des anthropomorphistes, hein, vous décrivez Allah comme ayant une main droite et qu'il va faire des cieux et de la terre une poignée au jour de la résurrection. Comme c'est mentionné dans Surat Az-Zumar, le verset 67, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il va faire des cieux une poignée au jour de la résurrection. Il va faire de la terre entière une poignée au jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, vous êtes des mujassima, vous êtes des anthropomorphistes, vous attribuez à Dieu un corps, vous attribuez à Dieu une ressemblance ou des choses comme ça. Et, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça. Donc c'est la preuve que ces attributs et ces noms qui sont affirmés sont véridiques, sont vrais, et qu'il faut croire en ce qui a été affirmé. الشيخ يقول بلعبهم بقولهم يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. Donc le cheikh il dit, par contre Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les juifs d'avoir dit que sa main est fermée. Hein? Il les a blâmés également d'avoir dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Hein? Et il les a blâmés d'avoir dit également qu'il se reposait lorsqu'il a créé les cieux et la terre, le septième jour. Et il a dit dans Surat Qaf, le verset 38, et nous avons certes créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux en six jours, et aucune fatigue ne nous a touché. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُهُوبٍ. Donc, c'est pour réfuter les juifs, hein, et les chrétiens qui ont affirmé la fatigue à Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ce genre de verset. Donc, le cheikh il explique ça. Cheikh Al-Fawzan il dit, وَهُوَ أَقَرَّهُمْ بِأَنَّ لَهُ يَدٍ. Hein, وهو أقرهم بأن الله له يد لكن عبهم على قولهم يد الله مغلولة وعباهم على قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء يعني إن الله يطلب منا الصدقة ويقول لنا تصدقوا فدل على أن الله فقير ونحن أغنياء وهذا يريدون به تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فهم يعلمون أن الله غني ويعلمون أن الله أمر بالزكاة والصدقة ولكن يريدون بذلك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية به وعابهم على قولهم إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد والآخر يوم الجمعة واستراح يوم السبت ورد الله عليهم بقولهم ورد الله عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولم يرد عليهم في إثباتهم الأسماء والصفات وإنما رد عليهم في إثبات النقائص في حق الله. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit et il aura et Allah subhanahu wa ta'ala il a confirmé le fait que les Juifs aient attribué à Allah une main. Il ne les a pas blâmés d'avoir dit qu'il a une main, mais il les a blâmés d'avoir dit que sa main est fermée. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset dans sourate Al-Ma'idah le verset 64 hein, il dit وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et les juifs ont dit la main d'Allah est fermée, que leur main soit fermée et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. Certes ces deux mains sont grandes ouvertes, ils donnent hein, de ses richesses comme ils veulent. Donc ça c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas nié leur parole lorsqu'ils ont dit qu'il a une main, mais il a nié leur parole d'avoir dit que sa main était fermée. Et il a affirmé qu'il a une main lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala dans le même verset il a dit bal yadahu mabsutatan, même ses deux mains sont grandes ouvertes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé hein, qu'il a deux mains mais qu'elles sont grandes ouvertes et qu'il donne de ses richesses comme il veut. Et il les a blâmés d'avoir dit également qu'il était pauvre. Et eux, ils disaient, les Juifs disaient, Dieu est pauvre, Allah est pauvre, et nous, nous sommes riches. Et la raison pourquoi ils disaient ça, c'est parce qu'ils disent, Allah nous demande de donner en charité et en aumône, en sadaqa. Et ils nous disent, et Allah nous dit, donnez de votre argent. Ils disent, ça c'est la preuve que Dieu est pauvre. Et que nous, on est riches. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, eux, ils veulent, en disant ça, ils veulent démentir le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sinon, la vérité, c'est qu'ils savent très bien que Allah est riche. Et ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la zakat, et l'aumône, et la charité. Mais ils veulent uniquement démentir le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et se moquer de lui. Alors, yani Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés d'avoir dit ce genre de paroles là. Ils ont tué, on va écrire ce qu'ils ont dit et de même leur meurtre des prophètes, le fait qu'ils ont tué les prophètes. وعابهم على قولهم إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. Allah les a blâmés aussi d'avoir dit que Allah avait créé les cieux et la terre en six jours et que le septième il s'est reposé. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux en six jours et aucune fatigue ne nous a touchés. Walam yarud alayhim fi isbat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas nié l'affirmation des noms et des attributs de la part des juifs, mais il a uniquement réfuté leur affirmation de certains défauts ou de certaines imperfections à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la réalité. Après le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit wa at-tawratu mamlu'atun min as-sifat al-mutabiqah lis-sifat al-madhkurah fi al-Qur'an wa al-hadith wa laysa fiha tasrih bil-ma'ad kama fi al-Qur'an. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى فالأول أولى بالبطلان. Donc le cheikh il explique, il dit la Torah est remplie de la mention, hein, est remplie de mention des attributs qui sont qui correspondent et qui sont en accord avec les attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans les hadiths. Donc dans la Torah, c'est rempli d'attributs d'Allah qui correspondent à ce qui est mentionné comme attribut d'Allah dans le Coran et dans le hadith. Toutefois, il n'y a pas de mention explicite et claire de la résurrection dans la Torah, contrairement à ce qui est mentionné dans le Coran. Hein? Il y a pas, tu ne trouves pas dans la Torah, dans le livre des Juifs et des Chrétiens, tu ne trouves pas de mention aussi explicite que dans le Coran à propos de la résurrection. Le Cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, « لأن التوراة من عند الله والقرآن من عند الله فمطابقان فهما مطابقان فالتوراة مملوءة من ذكر الأسماء والصفات مثل القرآن والمعتزلة أنكروا الأسماء والصفات في حين أن ما في القرآن من ذكر البعث أكثر مما في التوراة من ذكر البعث. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit, dans la Torah, il dit la Torah vient d'Allah et le Coran vient d'Allah. Hein? Et les deux sont en accord, la Torah est remplie de mentions, des noms et des attributs, comme le Coran. Et les Mu'tazila ont nié les attributs et les noms et les attributs. Alors que dans le Coran, il y a plus de mentions de la résurrection que des mentions dans la Torah par rapport à la résurrection. Dans le Coran, la mention de la résurrection est plus grande que dans la Torah. Donc, ça vient encore une fois prouver la fausseté de l'argument des Mu'tazila et des gens qui nient les attributs et qui déforment le sens des attributs. Puisque eux, ils blâment les Batiniyoun et les philosophes d'avoir déformé ou d'avoir nié la résurrection, mais eux, ils nient les attributs d'Allah, alors qu'elles sont plus nombreuses et plus mentionnées. Eh bien, c'est la même chose dans la Torah. Dans la Torah, il y a plein d'exemples d'attributs et de noms d'Allah. Hein? Et il y a très peu de mentions de la résurrection, contrairement à ce qui est dans le Coran. Et il dit ensuite, donc Cheikh al-Islam, il dit donc, si c'est permis dans ce cas-là de déformer le sens des attributs, alors que les deux livres sont en accord avec ces mentions-là et ces attributs-là, alors dans ce cas-là, la déformation et le fait de déformer le sens de la résurrection qui est uniquement mentionné dans un des deux livres, il aurait plus raison d'être. Et il dit « وَالثَّانِ مِمَّا يُعْلَمُ بِالْتِرَارِ مِنْ دِينِ بالدين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل فالأول أولى بالبطلان. Il dit, et la deuxième chose, c'est-à-dire la résurrection, fait partie de ce qui est connu par nécessité de la religion des messagers. Hein? C'est-à-dire c'est connu que de l'affirmer c'est de le nier c'est faux. Alors de nier les noms et les attributs c'est encore plus faux. C'est ça ce qu'il veut dire. Et on va lire l'explication, qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan à ce sujet. Il dit « وَالثَّانِ وَهُوَ إِنْكَارُ الْبَعْثِ بَاطِلٌ بِلَا شَكٍ وَلَكِنَّهُ أَخَفُّ مِنْ إِنْكَارُ الْأَسْمَى وَالصِّفَاتِ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا فَالْبَاطِلُ يَتَفَاوَتُ بَعْضُهُ أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْكَارُ الْأَسْمَى وَالصِّفَاتِ أَعْظَمُ مِنْ إِنْكَارِ الْبَعْثِ. Donc il dit de nier la résurrection, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est faux. Mais c'est moins grave par comparaison à la négation des noms et des attributs. Même si les deux sont faux, mais la fausseté, elle a des degrés. Et il y a certaines faussetés qui sont plus graves que d'autres. Donc de nier les noms et les attributs, c'est plus grave que de nier la résurrection. C'est plus grand. C'est plus grand. Naam. Donc ça, c'est ce qui a rapport avec le groupe des Muta'awilin, Ahlul Ta'wil. Maintenant, le Cheikh, il va parler de la troisième catégorie, c'est-à-dire Ahlul Tajhil, les gens de, yani, qui traitent les messagers d'ignorants, hein, qui traitent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'ignorant, ou qui prétendent qu'il ignorait, hein, la signification des noms et des attributs. Donc il dit « وَأَمَّا السِّنْفُ الثَّالِثِ وَهُمْ أَهْلُ التَّجْهِيلِ وَهُمْ أَهْلُ التَّجْهِيلِ » Les gens qui traitent d'ignorant le messager. Cheikh Al-Fawzan, il dit ici à ce sujet, نعم, il dit وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُخَالِفِينَ لِمَنْهَجِ السَّلَفِ في إثبات الأسماء والصفات ثلاث طوائف: الطائفة الأولى أهل التخييل، الطائفة الثانية أهل التأويل، والطائفة الثالثة أهل التجهيل. وبين الشيخ رحمه الله ما يندرج تحت كل طائفة من هذه الطوائف. Donc on a dit précédemment que ceux qui ont opposé la méthodologie des salaf au sujet des noms et des attributs sont de trois groupes. Le premier groupe, les gens du takhyil, hein, ceux qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imaginé ces choses-là, qu'il les a inventées, que ne sont pas réelles. Le deuxième groupe, ceux qui appellent à dire qu'il ne faut pas croire en le sens apparent de ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, des noms et des attributs d'Allah, mais qu'il faut déformer leur sens et leur donner un autre sens. Et le troisième groupe, Ahlul Tajhil. Donc le cheikh, hein, il a expliqué qu'est-ce qui a rapport avec chacun de ces trois groupes-là, et on en a parlé. Maintenant, il y a le troisième groupe. Le cheikh dit فَطَائِفَةُ التَّجْهِيلِ وَهُمُ الَّذِينَ يَنِي يُجَهِّلُونَ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاء بَلْ وَالْرُسُلِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مَعْنَى الْأَسْمَى وَالصِّفَاتِ وَإِنَّمَا يُرَدِّدُونَ أَلْفَاظَهَا وَلَا يَعْرِفُونَ مَعْنَاهَا وَأَمَّا مَعْنَاهَا فَيُفَوِّضُونَهُ إِلَى اللَّهِ وَيَظُنُّونَ أَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ هُوَ التَّفْوِيضُ ولهذا يقولون الله أعلم بمراده فهذا خطأ فاحش لأن معناه أن الله أنزل علينا نصوصا لا نعرفها وهذا يخالف قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته الله أمرنا أن نتدبر آيات القرآن وأعظمها آيات الأسماء والصفات وأعظم من آيات الأحكام نعم وأعظمها آيات الأسماء والصفات أعظم من آيات الأحكام أمرنا الله بتدبرها ولو كان معناها لا يفهم فما فائدة التدبر نتدبر شيئا لا نفهمه يكلفنا الله بالمحال. Donc le cheikh explique, il dit le troisième groupe c'est le groupe qui traite d'ignorants, hein? Il traite qui d'ignorants? Le cheikh il dit il traite d'ignorants les salafs, il traite d'ignorants les ulama, même que il traite d'ignorants les messagers, et ils disent qu'ils ne connaissaient pas la signification des noms et des attributs, mais qu'ils ne faisaient que répéter les mots sans connaître leur signification. En ce qui concerne sa signification, c'est-à-dire la signification des noms et des attributs, eh bien, ils font le tafwid. C'est-à-dire qu'ils renvoient la connaissance de la signification à Allah seul. Et ils prétendent que c'est ça la voie des salafs, que c'était le tafwid. C'est-à-dire de dire que c'est Allah seulement qui connaît la signification de ces mots-là. Personne d'autre peut les comprendre ou savoir qu'est-ce qu'ils signifient. Et c'est ça ce que je disais dans les cours précédents quand j'ai parlé de la voix des Asha'ira et des Maturidiyya et de justement Hassan al-Banna, le fondateur des Ikhwan. Et justement, même son petit-fils qui l'a suivi, Tariq Ramadan, quand il parle de la vie de son grand-père dans un cours qu'il a fait, il dit mon grand-père était sur la voie des salafs. Hein? Et il mentionne justement le tafwid. Hein? Et ça, c'est quelque chose que Hassan al-Banna a mentionné dans son livre qui s'appelle Al-Aqaid. Hein, à la fin, il prétend que, yani, que ces paroles-là, c'est les paroles des salafs. Ou que ça fait partie de la voix des salafs, de dire qu'on ne connaît pas la signification de ces attributs-là. Et il ramène des paroles de l'imam Ahmad, qui ne sont pas authentiques, hein, qui ont été mentionnés même par les grands savants, parmi les savants des Hanabila, les savants du madhab de l'imam Ahmad, justement, qui ont réfuté ces paroles-là et qui ont mentionné qu'elles lui ont été attribuées faussement, hein, qu'elles ne font pas partie des paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal et qu'elles ne sont pas authentiques. Et même l'imam Ibn Taymiyyah lui-même en a parlé de ces paroles-là qui lui sont attribuées et qui sont fausses, qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. Et puis on aura l'occasion, peut-être dans le prochain cours, Inch'Allah, de ramener l'exemple de ces citations-là que Hassan al-Banna a ramené et de les réfuter et de les clarifier, Inch'Allah. Donc, il dit... Là, ils prétendent que seulement Allah connaît la signification. Et ils prétendent que c'est ça le madhab des salafs, c'est-à-dire de faire le tafwid. Et on les appelle des mufawwida. Des mufawwida, c'est-à-dire les gens qui font le tafwid. Ils disent seulement Allah connaît la signification des attributs et des noms d'Allah. Et ils disent, c'est pour ça qu'ils disent, quand ils parlent d'un nom d'Allah ou de ses attributs, ils disent Allahu a'lam bi muradihi. Allah connaît mieux le sens de cet attribut-là. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit ça, c'est une grave erreur. Parce que la signification, hein, il dit, parce que sa signification, la signification du tafwid, de cette parole au sujet des attributs d'Allah, de dire que c'est seulement Allah qui peut savoir ce que ça signifie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a révélé des textes qu'on ne peut pas connaître. Et ça, c'est contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran lui-même. Lorsqu'il dit dans le verset 29, par exemple, dans Surat Sad, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un livre que nous avons fait descendre vers toi, qui est béni, et pour que vous méditiez sur ses sens. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire un tadabbur, c'est-à-dire de méditer sur les sens du Coran. Et les versets du Coran, on doit méditer sur leur sens. Donc, le cheikh il dit, quels sont les plus importants parmi les versets dans le Coran? C'est quoi les versets les plus importants? C'est les versets au sujet des attributs d'Allah et de ses noms. Ça, c'est beaucoup plus important que les versets au sujet des règles, de qu'est-ce qui est halal et haram ou autre. De connaître Allah, c'est plus important. C'est pour ça que le plus grand verset dans le Coran, c'est Ayatul Kursi. Hein? Le plus grand verset dans le Coran, c'est Ayatul Kursi, parce que ça parle d'Allah. De même que Surat Al-Ikhlas, Qul Huwa Allahu Ahad. Ça parle que d'Allah. Hein? Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Allah nous a ordonné de réfléchir et de méditer sur le sens de sa parole et le sens du Coran. Et les versets les plus importants dans le Coran sont les versets à propos des noms et des attributs d'Allah. C'est plus important encore que les versets qui parlent des règles de l'islam, les autres règles. Et Allah nous a ordonné de méditer sur ces versets, sur ces signes, et sur ces noms et sur ces attributs. Donc si on ne connaît pas la signification de ces versets-là, alors on réfléchit sur quoi dans ce cas-là? Hein? C'est ça que le cheikh il explique. Il dit, donc, est-ce qu'on peut réfléchir sur quelque chose qu'on ne comprend pas? Allah, donc, dans ce cas-là, nous ordonnerait de faire ce qui est impossible. Et le cheikh il mentionne d'autres versets. Il dit, وقال الله سبحانه وتعالى أَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلِ وَيَعْنِي الْقُرْآنِ هَذَا إِنْكَارٌ مِنَ اللَّهِ على الذين لا يتدبرون القرآن فلماذا يتدبرون القرآن وهو ما يفهم بل قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني قال القرآن ولم يستثن شيئا من القرآن لا يتدبر والصحابة خصوصا كما يأتي من أقوالهم أنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معانيهن والعمل بهن وما استثنوا شيئا. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 67 dans sourate al-mu'minun, n'ont-ils pas médité la parole, réfléchi sur la parole, c'est-à-dire sur le Coran? Et donc ça c'est une négation de la part d'Allah et une réfutation, hein, et un blâme de la part d'Allah pour ceux qui ne réfléchissent pas et qui ne méditent pas sur le Coran. Et pourquoi ils ne réfléchissent? Yani le cheikh il dit, yani comment il les blâmerait de ne pas réfléchir sur le Coran alors que ils ne peuvent pas le comprendre. Même que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 24 dans sourate Muhammad, n'ont-ils pas réfléchi sur le Coran, ou bien il y a un cadenas sur leur cœur, hein? Leur cœur a été scellé. Et dans un autre verset, il dit, n'ont-ils pas réfléchi sur le Coran ou médité sur le Coran? Et s'ils venaient d'autres que Allah, ils y trouveraient beaucoup de divergences. Hein? Et il dit donc le Coran. Allah a dit dans le verset le Coran. C'est le verset 20, le dernier verset, c'est le verset 82 dans Surat al-Nisa. Donc Allah n'a rien donné comme exception dans ce verset-là. Il a dit le Coran de façon générale. Il n'a pas dit certaines parties du Coran ou une partie du Coran tu peux méditer mais l'autre non. Et même qu'en particulier les Sahaba, hein, on voit dans leurs paroles, quand ils les expliquent, ils disent l'un d'entre nous ne dépassait pas 10 versets avant d'avoir connu leur signification et avant de les avoir appliqués. Il dépassait jamais 10 versets avant de les avoir compris, ils ont compris leur signification et ils les ont appliqués. Ils ont su ce qu'il y avait comme pratique. Et ils n'ont rien excusé ou rien, ils n'ont pas fait dans ces versets-là ou dans le Coran aucune exception par rapport à cette règle. يقول مجاهد رحمه الله عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته عليه عند كل آية منه أوقفه عليه عند كل آية منه وأسأله عنها ما قال أوقفه يعني أوقفه عند بعض الآيات بل قال عند كل آية فإذن فالقول باستثناء شيء من القرآن لا يتدبر قول ظاهر البطلان ونسبته إلى السلف كذب وافتراء فليس هو مذهب السلف فيجب التنبه لهذا لأن هذا المذهب خطير جدا. Donc le cheikh il dit, et Mujahid, hein, un des imams dans le tafsir parmi les tabi'in. Donc Mujahid, rahimahullah, il disait, j'ai lu le mushaf à Abdullah ibn Abbas de la Fatiha jusqu'à la fin. Et je l'arrêtais à chaque verset et je lui demandais à son sujet de sa signification. Cheikh Al-Fawzan, il dit, il n'a pas dit, Mujahid n'a pas dit, je l'arrêtais à certains versets. Il a dit, je l'arrêtais à tous les versets. Donc, il n'a rien mentionné comme exception de ce qui est dans le Coran, qu'on doit, par exemple, méditer sur certains par rapport à d'autres, non. Celui qui prétend qu'on ne doit pas méditer sur certains versets, ou que ce n'est pas tout ce qui est dans le Coran, eh bien, cette parole-là, elle est clair, sa fausseté est apparente. Et il dit, et d'attribuer cette parole, ou cette opinion, ou cette position, c'est-à-dire la voix des gens de Tafouïd, de l'attribuer au salaf, c'est un mensonge et une invention contre eux. فَلَيْسَهُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِ. Le Tafouïd, ce n'est pas la voix des salafs. Et donc, il est obligatoire donc de faire attention à cette voie. parce que cette voie est une voie très dangereuse. Et ça, c'est la voie des gens de Kalam aujourd'hui. Ils disent, même comme ils enseignent aujourd'hui dans leurs livres, dans les universités des Asha'ira et des Maturidiya, hein, comme c'est écrit dans Jawharat al-Tawhid al-Bayjuri, il dit, يعني, وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيها فأوله أو فوض ورم تنزيها. Donc ils disent que tout verset qui donne l'impression d'un tashbih, qui donne l'impression qu'il y a une ressemblance, alors déforme son sens apparent ou bien fait le tafwid, c'est-à-dire dit que c'est seulement Allah qui peut savoir ce que ça veut dire, warum tanziha, c'est-à-dire dit que tu fais ça dans le but de purifier Allah d'une imperfection ou de quelque chose de d'un défaut. Et on a expliqué que ces deux voies-là, la voie du ta'wil et la voie du tafwid, c'est la voie des gens de Kalam. Et eux, ils essaient de dire que les gens de la vérité par rapport aux noms et aux attributs d'Allah sont trois groupes. Ils disent que les gens de la vérité par rapport aux noms et aux attributs d'Allah sont de trois groupes. Les Asha'ira et les Maturidiya et les Salaf. C'est ça, eux ils disent, les gens de la vérité sont trois groupes. Les gens les Asha'ira, les Maturidiya et les Salaf. Et ils prétendent que la voie des Asha'ira et des Maturidiya, c'est le ta'wil, c'est la voie du ta'wil. Quand ils voient un verset qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah, ils l'interprètent, ils donnent une autre signification. Comme par exemple, si c'est la main, ils vont dire c'est la force ou c'est la grâce. Et ils disent qu'il y a aussi la voie des Salaf qui est correcte, que tu peux suivre. Et c'est la voie de dire, par exemple, on ne sait pas ce que ça veut dire. Allah il a dit main, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire main. Et il a dit qu'il est au-dessus de son trône, istawa, mais on ne sait pas ce que ça veut dire istawa. C'est comme des mots chinois, il y en a qu'on ne peut pas comprendre. Et ils disent que ça c'est la voie des salafs. Hein, vous voyez le danger maintenant? Et en réalité, ils prétendent que la voie des Asha'ira et des Maturidiya, elle est a'lam wa ahkam. Hein, a'lam wa ahkam, et que la voie des salafs elle est aslam. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par la voie des salafs? Ils veulent dire le tafwid. Ils disent que c'est plus sécuritaire, c'est plus sûr. C'est plus sûr, pourquoi? Parce que tu rentres pas dans la signification, tu dis juste je sais pas ce que ça veut dire, c'est Allah seul qui sait. Donc ils disent ça c'est aslam, puis c'est ça que les salafs faisaient. Et la voie des khalafs, les Maturidiya et les Asha'ira, ils disent que ça c'est ahkam ou a'lam, plus savant et plus sage et plus savant, parce que eux ils vont rentrer dans la signification, essayer de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, puis affirmer l'attribut selon leur logique. Et qu'est-ce qu'on a expliqué au début du livre? C'était justement la réfutation de cette parole et l'explication que, en réalité, la voie des salafs, elle est a'lam wa ahkam wa aslam. Et que la voie des khalafs, c'est la voie de l'égarement. Hein? Donc, c'est ça que, on revient donc pour comprendre maintenant pourquoi, hein, Ibn Taymiyyah a réfuté cette parole-là depuis le début. Na'am. Donc, le Cheikh il dit, fahum kathirina min al-muntasibina ila sunnati wa tiba' al-salaf. C'est-à-dire, ils sont nombreux parmi les gens qui se prétendent appartenir à la sunna et à suivre la voie des salafs, qui sont sur la voie des gens du tajhil, c'est-à-dire la voie des gens du tafwid. Hein, ils sont nombreux qui se prétendent suivre la sunna et la voie des salafs. Et Cheikh Al-Fawzan il dit, intisabuhum ila sunna wa ila as-salaf ghair sahih. Il dit, le fait qu'ils se prétendent suivre la sunna et qu'ils prétendent suivre les salafs, ce n'est pas correct. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai. C'est une fausse attribution qu'ils se font. Le cheikh dit, يَقُولُونَ إِنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفْ مَعَانِي مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ آيَاتِ السِّفَاتِ وَلَا جِبْرِيلِ. يعرف معاني الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمها إلا الله مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. Donc le cheikh il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, ces gens-là disent que le messager ne savait pas la signification de ce que Allah lui a révélé des attributs d'Allah, des versets qui parlent des attributs d'Allah. Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là, هذا تجهيل للرسول بأنه لم يعلم ولا يعرف معاني ما أنزل عليه من الصفات والله سبحانه قال له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون كيف يبين للناس وهو لا يعرف معاني هذه الآيات التي هل أجل التي يعني هل أجل ما في القرآن أو هي أجل ما في القرآن. Donc le cheikh il dit, ça en réalité c'est qu'il traite le messager d'ignorance, parce que ils disent qu'ils ne savaient pas ce que ils ne savaient pas la signification de ce que Allah lui a révélé comme attribut, alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 44 dans sourate An-Nahl, et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu expliques et clarifies aux gens ce qui a été révélé vers eux et pour qu'ils puissent réfléchir. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit, comment pourrait-il expliquer aux hommes ce qui a été révélé pour eux alors qu'il ne sait pas la signification de ces versets et qu'est-ce qu'il y a de plus important dans le Coran. Ensuite Cheikh l'Islam il dit, et que même il prétend que même Jibril ne savait pas la signification de ces versets là ni même les premiers d'entre les croyants n'ont pas su ce que signifiaient ces versets là Cheikh Al-Fawzan il dit, وَكَذَلِكَ كَذَبُوا عَلَى جِبْرِيلِ أَنَّهُ يَنْقُلُ أَلْفَاظًا أَعْجَمِيَّةً لَا يَفْهَمُ لَهَا مَعْنًا. C'est-à-dire ils ont même menti sur Jibril alayhi salam et ils ont dit qu'il ne faisait que transmettre des mots en langue étrangère qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas leur signification. Allah al-Musta'an. Et également ils ont accusé les salafs, les premiers croyants et les salafs, les sahaba et les tabi'in, ils ont accusé qu'ils ne connaissaient pas ces paroles-là. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي أَحَدِيثِ الصِّفَاتِ. La même chose au sujet des hadiths qui parlent des attributs d'Allah. Ils disent, leur signification, personne ne les connaît excepté Allah. Les hadiths qui parlent des attributs d'Allah, personne ne les connaît excepté Allah. Personne ne connaît leur signification excepté Allah. Cheikh Al-Fawzan, il dit, مِثْلَ مَا قَالُوا فِي الْآيَاتِ كَذَلِكَ قَالُوا فِي الْأَحَدِيثِ الْوَارِدَ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم في الصفات إنها لا يفهم معناها وقد كذبوا في هذا. يعني ils disent la même chose à propos des hadiths comme ils ont dit à propos des versets, les hadiths qui ont été rapportés par le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم au sujet des attributs d'Allah. Ils disent on ne peut pas connaître leur signification. Ils ont menti à ce sujet là Cheikh Ibn Taymiyyah il dit, justement, il dit que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a prononcé ces paroles-là, c'est lui qui a parlé dans les hadiths. Et donc, ça voudrait dire quoi? Qu'il a dit des choses qu'il ne comprenait pas lui-même, il parlait sans qu'il puisse même savoir la signification de sa propre parole. Ça, c'est grave. Il dit, wal-hadith, Cheikh Al-Fawzan, il dit, al-hadith, takallama biha al-rasoul. فهل يتكلم بشيء لا يفهم معناه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui parle. Dans les hadiths, c'est sa parole. Donc, est-ce qu'il disait des choses sans les comprendre lui-même? Ça, c'est de la folie. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى ولا يعلم تأويله إلا الله فإنه وقف وق وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne, il dit, ceux-là ont pensé qu'ils ont suivi la parole d'Allah lorsqu'il dit « Nul ne connaît son interprétation excepté Allah » dans le verset 7 dans Surat Al-Imran. Il dit que ça c'est un arrêt dans le verset qui est connu. Plusieurs d'entre les salafs s'arrêtaient à cet endroit-là dans la récitation du verset. Et c'est un arrêt qui est correct et qui est vrai. Mais ils n'ont pas distingué entre la signification de la parole et son interprétation. C'est là l'erreur qu'ils ont fait. Donc, ils n'ont pas distingué entre le ta'wil que seulement Allah connaît hein, par sa science et celui que les rasikhuna fil ilm connaissent. Hein, et la suite du verset. Donc, dans le tafsir, on voit la distinction à ce sujet-là et dans la note de bas de page, il y a une clarification à ce sujet aussi. Donc, il dit حيث ظنوا, Cheikh Al-Fawzan, il dit حيث ظنوا أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو معاني هذه النصوص مع أن التأويل له معان غيره وسيبينها الشيخ. Donc, il dit la réalité, c'est qu'eux, ils ont pensé que le terme ta'wil ici dans le verset 7 dans surat Al-Imran que ça parle de ce que Allah que personne ne connaît la signification il pense que ça signifie que nul ne connaît la signification des noms et des attributs excepté Allah alors qu'en réalité le terme ta'wil il a plusieurs significations et c'est ça ce qu'on va expliquer. C'est ça ce que le cheikh va expliquer plus tard, les différentes significations du terme ta'wil. Le terme ta'wil peut avoir trois différentes significations. Et cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il les a expliquées, il les a clarifiées dans le livre plus tard. Donc on va arriver là bientôt. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être au prochain cours, Inch'Allah. Mais en attendant, on va terminer le cours ici en lisant juste l'explication de ce verset dans Surat Al-Imran. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui est important de comprendre de qu'est-ce que le cheikh est en train d'expliquer ici? C'est que dans le verset 7 dans Surat Al-Imran, il y a deux endroits où on peut s'arrêter. OK? Allah subhanahu wa ta'ala il dit "Huwa alladhi anzala 'alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أو bien وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Soit que tu peux t'arrêter à إلا الله ou soit que tu peux t'arrêter à ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Hein? Tu peux continuer. والراسخون في العلم إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Donc le verset au complet le verset au complet ça veut dire c'est lui c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre le livre sur والذي أنزل عليك الكتاب c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi ces versets il y en a des versets qui sont muhkamat c'est-à-dire qui sont clairs et qui n'ont pas d'équivoque. Ils sont la base du livre. Et il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui sont équivoques, qui peuvent avoir plusieurs significations, qui peuvent être interprétés. Wa ukharu mutashabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, ceux qui ont une déviation dans le cœur, une maladie dans le cœur. Yani fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Eux, ils font exprès d'aller vers les versets qui sont équivoques et qui peuvent être interprétés, qui peuvent avoir plus qu'un sens. Hein? Ma tashabaha minhu bitira al-fitna wa bitira ta'wilihi. Ils cherchent la fitna et ils cherchent à jouer avec son sens et à son interprétation. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. alors que nul ne connaît son interprétation réelle ou son sens réel excepté Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Et les savants, ceux qui sont fermement enracinés dans la science, ils disent, nous y croyons, tout ça vient de notre Seigneur. Naam. Donc, le verset, selon l'endroit où tu t'arrêtes dedans, il donne une autre interprétation à ce verset-là, et les deux interprétations sont exactes, puisqu'elles sont rapportées de la part des salafs salih, sauf qu'elles ne justifient pas et elles ne prouvent pas ce que prétendent les gens de ta'wil et les gens de tajhil. Par exemple, lorsqu'on dit « وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ » que nul ne connaît sa signification excepté Allah, les salafs n'ont pas dit que ce que seul Allah connaît de son interprétation par rapport aux noms et aux attributs sont la signification de ces noms et de ces attributs-là, mais plutôt le commun de ces attributs et de ces noms. لا يعلم تأويله إلا الله, ce que seul Allah connaît par rapport à ses noms et à ses attributs, c'est le commun, mais la signification elle-même de ces noms et de ces attributs-là, les savants les connaissent, hein, et même parfois même des gens qui ne sont pas savants mais qui connaissent l'arabe, ils savent qu'est-ce que ça signifie ces termes, hein, et ces attributs et ces noms-là, mais eux ils n'ont pas fait la distinction entre l'interprétation et la signification, hein. Et naam. Donc, naam, c'est ça. Il dit, ولكن لم يفرقوا, ok, وبين التأويل الذي انفرض الله به تعالى بعلمه. Donc, ils n'ont pas fait la distinction entre la signification de la parole et son interprétation, et entre le ta'wil que seul Allah connaît, hein, par sa science. Il dit, وظنوا أن التأويل في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك فإن التأويل يراد به ثلاث معان فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. Donc, Cheikh al-Islam, il dit, ces gens-là ont cru que le fait, l'interprétation de la parole d'Allah, c'est le ta'wil qui est mentionné dans la parole des savants qui sont venus après, c'est-à-dire parmi les gens de Kalam après, ou bien les gens qui sont venus plus tard après, et à l'époque des salafs, ils ont inventé des terminologies pour les mots. Et ils ont interprété le terme ta'wil par une autre signification qui n'existait pas chez les salafs. C'est-à-dire, hein, le cheikh ont fait une erreur là-dedans. Ils ont dit que le ta'wil, il peut avoir trois significations. Et dans les terminologies qui sont employées par les savants qui sont venus plus tard, pour eux, la signification du terme ta'wil dans leur terminologie à eux, ça veut dire de faire sortir un mot de son sens le plus apparent vers la possibilité d'un sens autre, à cause d'une preuve qui est reliée à cela, une preuve qui, ou quelque chose qui prouverait que ce serait un autre sens que son sens apparent qui serait le vrai, ou qui serait lui qui est correct. Et Cheikh Al-Fawzan dit, وَهَذَا لَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ الَّتِي اسْتَدَلُّوا بِهَا لِأَنَّهُ نَوْعٌ مُحْدَثٌ أَحْدَثَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ. Donc, Cheikh il dit, Le terme ta'wil dans le verset n'a pas la signification de ce qu'ils ont eux compris par rapport à la signification du terme ta'wil, puisque cette interprétation ou cette définition du terme ta'wil qu'ils ont ramené, c'est une définition qui est venue plus tard après dans l'islam, ou plus tard par la suite, hein, c'était pas l'utilisation qui était connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des salaf. Ils ne connaissaient pas cette définition-là du terme ta'wil. Et il dit ensuite, فَلَا يَكُونُ مَعْنَ اللَّفْظَ الْمُوَافِقُ لِدِلَالَةِ ظَاهِرِهِ تَعْوِيلًا عَلَى اصْطِلَاحِ هَؤُلَاء. يعني ظنوا أن المراد, شيخ الفوزان الذي ظنوا أن المراد بالتأويل الوارد في كلام الله هو هذا التأويل المحدث عند المتأخرين, وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر, يعني يعينونه هم, يعينونه هم. Donc ils ont cru que la signification du terme ta'wil qui est utilisé dans le verset ou qui est mentionné dans le verset, c'est le fait de faire sortir un mot de son sens apparent, hein, et que eux ils vont désigner par la suite le sens que eux ont voulu désigner pour ce terme là hein, ils vont choisir une autre signification de façon arbitraire. C'est pas ça du tout que signifie le terme ta'wil dans le verset. Il dit وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك. Eux, ils ont cru que c'était ça la signification du terme ta'wil. Le cheikh il dit أي لا يكون تفسير اللفظ بمعناه الموافق للغة العربية تأويلا. Donc il dit quand tu interprètes un mot par sa signification qui est en accord avec son sens dans la langue arabe, ça on n'appelle pas ça ta'wil. Dans la langue arabe, on n'appelle pas ça ta'wil. Ça, c'est de dire la signification du mot. Et c'est tout. Hein? Donc, c'est pas ça de faire le ta'wil. Hein? Et, وَظَنُّوا أَنَّ الْمُرَادِ بِالْتَأْوِيلِ الْوَالِدِ فِي كَلَامِ اللَّهُ وَهَذَا الْتَأْوِيلَ الْمُحْدَثِ. Donc, eux, ils ont cru que le ta'wil, c'était cette définition inventée qu'ils ont ramenée. C'est-à-dire de faire sortir le mot de son sens apparent. Le cheikh il dit وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. Donc ils ont cru que les textes des noms et des attributs ont un sens qui est contraire à leur sens connu dans la langue arabe et de leur sens apparent, que personne ne connaît excepté Allah, ou que leur savants à eux, parmi les gens de ta'wil, ont connu. Hein, les gens qui font le ta'wil, eux, ils prétendent qu'eux, ils les ont connus, ces significations-là. Il dit, لأن المعطلة والمفوضة كلهم فهموا من النصوص ما لا يليق بالله عز وجل فالمعطلة أولوها إلى غير ظاهرها والمفوضة قالوا ليست على ظاهرها فنفوض معناها. Donc le cheikh il dit la raison pourquoi ils font ça, c'est parce que les mu'attila, ils déforment le sens des versets de leur sens apparent, parce que les mu'attila et les mufawwida, ils disent tous que ce qu'on comprend des textes, des noms et des attributs d'Allah ne convient pas à Allah. C'est pas quelque chose qui est, selon eux, convenable à Allah de dire ces choses-là. Donc, les Mu'attila, eux, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme méthode, ou comme solution pour ce problème qu'ils ont inventé? C'est de dire qu'il faut les déformer de leur sens apparent et leur donner une autre signification. Donc, ça, c'est les Mu'attila. Ceux qui nient les attributs, ils font le ta'wil. Et les Mufawwida, eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit, non, de toute façon, ces mots-là, ils n'ont aucune signification, mais ils ne sont pas dans leur sens apparent. Donc, on dit, c'est seulement Allah qui sait ce qu'ils veulent dire. C'est les deux méthodes, hein, les deux façons qu'ils ont inventées. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakum wa khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.